Bonjour, bienvenue à ma salle, ma chambre. Ce n'est pas joli. En effet, c'est affreuse, mais ça raconte une histoire. C'est ce que je veux, ce que j'aime, et oui, c'est tout. Au revoir.